Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1, Valérie Levé qui vous parle pour aborder une réflexion sur la réalité. C'est vrai, c'est une vérité, et nous allons parler de la réalité. Mais à bien y réfléchir, la vérité et la réalité, est-ce que c'est la même chose? Et si ce n'est pas le cas, comment faire la différence? Alors on en parle avec le biologiste Cyril Barrette, professeur émérite au département de biologie de l'Université Laval. Bonjour Cyril. Bonjour Valérie. Alors un peu plus tôt, vous m'avez dit que le point de départ de cette réflexion sur la réalité et la vérité, c'était une citation de Paul Éluard. Donc une citation, donc la cite, « L'espace prend la forme de mon regard ». Alors quelle interprétation vous en avez fait de cette citation? Comment ça vous a amené cette réflexion sur la réalité et la vérité? Oui, c'est un peu intriguant comme affirmation. Le monde prend la forme de mon regard. Oui. Ce que ça veut dire pour moi, c'est que finalement, la vision qu'on a du monde qui nous entoure est toujours subjective. Il y a des fonctions, pas seulement de la réalité du monde qui existe indépendamment de nous, mais des fonctions des capacités et des limites de nos organes des sens et des capacités et des limites de notre cerveau à interpréter ce qu'on voit. Donc, le meilleur exemple auquel je pense, c'est ce qu'on appelle la lumière visible. La lumière visible n'a pas des propriétés particulières par rapport au reste du spectre électromagnétique, mais il y a une bande très étroite du spectre de ces ondes qu'on est capable de percevoir. On ne perçoit pas l'ultraviolet, on ne perçoit pas les micro-ondes, ni les rayons X, l'infrarouge, on n'est pas capable de les voir. Donc, ce qu'on appelle la lumière visible, c'est défini beaucoup plus par notre œil et notre cerveau que par les ondes elles-mêmes. La même chose pour couleur. C'est ça, pour les couleurs, finalement. Pour une couleur en particulier, le rouge, ça n'existe pas dans la nature. Ça n'existe pas? Non. Mais... Le rouge n'existe pas, mais je vois du rouge. OK. Donc, c'est mon œil qui crée le rouge. C'est un peu comme un ensemble de choses qui sont à la fois dans le monde et qui sont seulement dans nos perceptions sensorielles. Parce que donc, on a des cellules dans les yeux, quelque chose qui fait qu'on telle longueur d'onde, on l'interprète, notre cerveau la voit comme rouge, mais c'est une interprétation de notre cerveau, c'est pas... C'est ça. Alors, la biologie nous dirait, si on est capable de voir la lumière, un certain spectre de lumière, c'est que c'était utile dans l'évolution ancienne de pouvoir percevoir la lumière. Et dans le cas particulier du rouge, c'est pas tous les mammifères qui voient le rouge. Les primates voient le rouge. L'hypothèse étant que c'est très important pour un primate qui a un régime omnivore de pouvoir distinguer les fruits mûrs des fruits verts. Alors, les cerfs, par exemple, les chevreuils ne voient pas le rouge. Il y a plein d'autres animaux qui ne voient pas le rouge. Donc, vous voyez, c'est... je pense qu'on est justifié de dire que le rouge n'existe pas. C'est nous qui créons le rouge. C'est nous qui créons le rouge. Il y a la réalité des ondes électromagnétiques, ça c'est la réalité, mais ma vérité face à ces ondes-là, c'est qu'il y en a un certain nombre qui sont visibles et il y en a une longueur d'onde que j'appelle le rouge. C'est utile pour moi, mais ça n'existe pas. Même si on le voit. Oui, c'est ça. C'est dur à interpréter, ça, cette idée-là. Mais il y a peut-être un exemple plus facile à saisir, c'est celui des constellations. Ah, les constellations, c'est la même chose. L'image qu'on se fait d'une constellation, la Grande Ourse, par exemple, c'est une image qui est créée par l'humain. C'est qu'on la voit à partir de notre point de vue. C'est une question de point de vue. C'est une question, encore une fois, subjective. Si on voyait les mêmes étoiles à partir de la planète Mars, ces mêmes étoiles ne dessineraient pas du tout la même forme. Et pourtant, c'est les mêmes qui, dans la réalité de ces étoiles-là, est la même, mais la perception qu'on en a et le dessin qu'on en retire, c'est inventé par nous. C'est fonction de notre point de vue. Le point de vue d'un mammifère qui est capable de voir, les couleurs, et puis voilà. Donc, ce qu'on voit, c'est pas forcément la réalité. Puis les cartes du ciel avec les constellations, le poisson, Capricorne, etc., finalement, ça représente pas la réalité. Ça représente pas la réalité, ça représente une vérité. Ça représente notre vérité. Une vérité? Vérité. Celle qu'on s'est construite. Une vérité qu'on est construite. Ouais. Donc, la réalité, c'est 100% objectif. La réalité, c'est le monde qui existe indépendamment de nous, indépendamment de nos pensées, de nos perceptions. La vérité, c'est comme un discours, c'est comme un récit qu'on invente. Okay. La vérité, c'est une construction mentale, une construction sociale. Donc là, c'est là que vous faites la différence entre la réalité et la vérité. La vérité. Donc la vérité, c'est ça, on se le construit socialement, on voit les constellations dans le ciel, on se construit la carte, on se construit tout un discours sur ces constellations, mais... De la même façon qu'on voit passer un nuage qui a la forme d'un dauphin, on voit un dauphin, mais il n'y a pas de dauphin, là. Et puis si on le voyait de l'autre côté, on ne verrait pas du tout la même forme. Donc la vérité, c'est une construction mentale. Et c'est un récit. C'est un, comme on dit en grec, c'est un logos. Et si on regarde la terminaison de la plupart des disciplines scientifiques, ce sont des discours, ce sont des récits. Mm-hmm. La biologos, la géologos, etc. Ah, oui. Donc, ce qu'on construit avec notre cerveau, notre esprit, ce sont des discours, des récits qui décrivent plus ou moins bien la réalité qui existe à l'extérieur. Donc, et l'humain est un excellent conteur. Donc, on invente mm-hmm. toutes sortes de discours, toutes sortes de récits. Il y a le récit des mythes, des légendes, de la connaissance autochtone, les récits religieux, mm-hmm. et il y a le récit de la science. Ah oui. Mm-hmm. Mais il y avait une autre analogie aussi dont vous m'aviez parlé, c'était celle de la pour distinguer vérité, réalité, c'est celle de la carte du territoire et du territoire. Voilà, la réalité, c'est le territoire. Ça, c'est la réalité. Territoire, réalité. Le vrai territoire qui existe indépendamment de nos perceptions, indépendamment ouais. de notre pensée, indépendamment de nos préférences. Alors que la vérité, c'est une carte du territoire. C'est un récit particulier mm-hmm. qui essaie de décrire la réalité. Mm-hmm. Et on sait qu'on n'est pas capable, on est rarement capable de décrire d'une façon parfaite la réalité. Et de toute façon, on n'a pas de façon indépendante de nous, indépendante de nos sens et de notre pensée, de confirmer que ce qu'on observe, c'est la vraie réalité. Mm-hmm. On peut avoir plus ou moins confiance, mais on peut facilement se tromper. On pourrait donner des exemples où on s'est trompé profondément pendant des millénaires. On avait construit comme une vérité qui était notre vérité, mais qui ne correspondait pas à la réalité. Le meilleur exemple, peut-être, c'est la rotation du Soleil autour de la oui. Terre. Nos sens nous disent que la Terre est immobile. Nos sens sont incapables de percevoir que la Terre tourne sous nos pieds. Mm-hmm. Et nos sens sont voient très, très, très clairement le Soleil qui se lève et le Soleil qui se couche. Oui. Et quand on dit le Soleil se lève, on le prend au pied de la lettre. On est convaincu oui. que le Soleil se lève. Oui. Ça a repris des milliers d'années de réflexion pour se rendre compte qu'on n'aurait pas dû faire confiance à mm-hmm. nos sens. Mm-hmm. L'idée que le soleil se lève, que le soleil tourne autour de la Terre, cette idée était une vérité fondée sur l'observation, fondée sur la tradition, une vérité mm-hmm. qui est rationnelle, qui est raisonnable, qui est démontrée par les observations, mais qui était fausse. Mais c'est ça qui est presque contradictoire. C'est rationnel, c'est presque scientifique, c'est rationnel. C'est scientifique parce que c'est fondé sur des observations. Sur des observations. On le voit très bien, le soleil qui monte vers l'est puis qui descend vers l'ouest, qui décrit un arc de cercle. Donc, on mm-hmm. en conclut que le soleil tourne autour de la Terre. C'était pas fou du tout. C'était tout à fait rationnel, raisonnable, mm-hmm. démontré par les observations. Sauf que, alors, c'était notre vérité. Mm-hmm. C'était une vérité qui a existé pendant des millénaires, mais ce n'était pas la réalité. Mm-hmm. Il aura fallu le génie de Galilée, Copernic et compagnie pour arriver à dire il ne faudrait pas faire confiance à nos sens. Mm-hmm. C'est une vérité établie solidement depuis des millénaires dans la tradition et puis confirmée par les observations, mais c'est faux. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais c'est quand même cette illusion que le soleil tourne autour de la Terre, elle est quand même très forte, puis il y en a sûrement d'autres qui sont à démasquer. Alors, de quel outil dispose la science pour voir les choses au-delà de cette première illusion qu'elle nous laisse? L'outil qui est utilisé toujours dans le premier pas de toutes les démarches scientifiques, c'est pas un microscope, c'est pas un télescope, même dans le cas du soleil mm-hmm. qui tourne autour de la Terre, c'est le doute. Ouais. Le doute qui était la remise en question de ce qu'on voyait. Donc, en même temps, la remise en question de ce qu'on prend comme vérité. De ce qu'on prend pour vérité. Donc, faut pas faire confiance à 100% toujours à la vérité, parce que la vérité est toujours une construction mentale. C'est mm-hmm. un récit qu'on raconte pour essayer de décrire la réalité. Donc là, il y a des gens qui ont remis ça en doute suite à d'autres observations, suite à la réflexion, ou peu importe, qui se sont dit, cette vérité qui existe depuis des millénaires, elle n'est peut-être pas vraie, donc il faut la remettre en doute. C'est le premier pas de toute démarche mm-hmm. scientifique, remettre en doute la véracité de ce qu'on prenait pour des faits réels. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est quand même dur à faire, ça. C'est dur, ouais. C'est difficile. Il faut être ouvert à cette éventualité. Ouais, il faut avoir de bonnes raisons de douter aussi. On ne peut pas nécessairement douter de tout. Là. Il faut avoir de bonnes raisons de douter. Il faut exercer un doute qui est constructif, un doute qui est fondé sur les connaissances actuelles et qui sert à améliorer les connaissances. Puis peut-être sur d'autres observations aussi. Sur d'autres observations. Finalement, Galilée avait fait d'autres observations avant de mettre en doute que la Terre tournait au soleil, autour du Soleil. Il avait fait d'autres observations. C'est ça. Il y avait de bonnes raisons de remettre en doute. Mm-hmm. Et ce doute-là est absolument important pour l'évolution de la connaissance, parce que si au Moyen-Âge, personne n'avait remis en doute les théories et les hypothèses de l'époque, on serait encore au Moyen-Âge. Mm-hmm, mm-hmm. Donc ça, c'était un premier outil, commencer à douter d'une vérité. Un autre outil, ce serait quoi? C'est le principal. C'est de faire les observations nécessaires pour vérifier si on avait raison de douter. Alors, une fois qu'on a fait ce premier pas, c'est toute la démarche scientifique qui s'enclenche. On fait de nouvelles observations, mm-hmm. qui essaient de vérifier des nouvelles prédictions à partir de ce qu'on connaissait auparavant. Mm-hmm. Et c'est comme ça qu'on arrive à démasquer les illusions. Mm-hmm. Mm-hmm. À démasquer, par exemple, le fait que les constellations, ça n'existe pas. Quand je disais tantôt, le rouge n'existe pas, mais les constellations n'existent pas non mm-hmm. plus. C'est un dessin qu'on imagine, c'est un dessin qu'on invente. Mm-hmm. C'est une vérité qu'on invente. Donc, la vérité des constellations n'est pas totalement fausse, mais elle dépend totalement de notre point de vue. Ben, c'est ça, on ouais. change de point de vue, on change de planète, on se déplace dans l'espace, et puis la constellation disparaît. Ben, c'est là un petit peu ce que je veux me dire. Est-ce qu'un autre outil, c'est pas justement de changer de point de vue, de changer peut-être de paradigme, de façon de penser, de changer de point de repère? Oui, pour oui. voir les constellations autrement, il faut changer, finalement, il faut aller se mettre sur la Lune. Donc, est-ce que c'est pas... Puis peut-être pour Galilée, c'était peut-être pareil, il fallait regarder ouais, autrement. Ça. C'est ça, puis il faut changer notre attitude, changer notre point de vue, ça veut dire aussi changer notre attitude oui. et réaliser que ce qu'on observe, ce qu'on prend pour la réalité, les vérités qu'on invente, sont totalement dépendantes du point de vue. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, est-ce qu'on a des exemples concrets comme ça de changements de point de vue qui nous ont amenés à faire la science un peu autrement ou qui ont réorienté certaines activités scientifiques? Ben, je pense en tant que biologiste, je pense à des points de vue qu'on prend comme étant des universels, comme étant la vérité qui s'appliquerait à tout le monde, mais qui sont dépendants de notre point de vue particulier. Par exemple, ce qu'on appelle le haut et le bas. On fait la distinction entre ce qui est en haut et ce qui est en bas. Mm-hmm. Mais ça, c'est vrai seulement si on est sur une planète ou sur la Terre. À mi-chemin entre la Terre et la Lune, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Mm-hmm. Et sur la Terre, le bas se définit par une direction qui pointe vers le centre de la Terre. Ouais. Ce qui est en bas sur la Terre est toujours local, ça dépend du point de vue. Mm-hmm. C'est ce qui fait que les Australiens ne marchent pas la tête en bas, par exemple. Mm-hmm. Pour eux, le bas, c'est encore ce qui pointe vers le centre mm-hmm. de la Terre. Donc, le haut et le bas, ça dépend de la gravité. Ouais. Donc, si on se met en apesanteur, ça ne veut plus rien dire. Si on se met en apesanteur, ça ne veut plus rien dire. Il n'y a plus de haut, il n'y a plus ouais. de bas. Alors, si on avait été formé par la sélection naturelle et par l'évolution en apesanteur, ce qui est difficile à imaginer, ouais. ben, la notion de haut et de bas, ça n'existerait pas. Mm-hmm. La notion de haut et de bas découle de notre point de vue particulier. Mm-hmm. Un autre exemple qui me plaît assez, c'est la notion de gauche et de droite. Mm-hmm. Pour penser en termes de gauche et de droite ou d'avant et en arrière, il faut être construit comme nous, selon une symétrie bilatérale, c'est-à-dire mm-hmm. qu'il y a un axe qui passe au centre de notre corps et qui sépare notre corps en deux moitiés, une image miroir à droite qui est une image renversée de ce qui est à gauche. Si on n'avait pas cette symétrie, on ne pourrait pas concevoir la gauche et la droite. Par exemple, une étoile de mer ou un oursin qui est construit sur une symétrie radiale ouais. ou circulaire, pour une étoile de mer, avant, arrière, gauche, droite, ça ne veut absolument okay. rien dire. Ah. Vous dites à une étoile de mer, tourne à droite, elle ne comprend pas ce que ça veut dire. Ce n'est pas à quel bras il faut suivre. Ça n'existe pas. A... ça n'existe pas. Elle peut ouais. s'approcher d'une proie, elle peut s'éloigner ouais. d'un prédateur, mais elle ne peut pas avancer ou reculer ou tourner à gauche ou à droite. Selon quel repère elle avancerait ou elle reculerait, il n'y a pas de... Elle ne sait pas ce que ça veut dire, avancer ouais. et reculer. Pour savoir ce que ça veut dire, il faut avoir un axe avec un avant et un mm-hmm. arrière, une gauche et une droite. Et comme elle est construite selon une autre symétrie, mm-hmm. pour elle, ça n'existe pas. Pour elle, la droite et la gauche, ça n'existe pas. Donc, on peut utiliser un exemple comme celui-là comme leçon pour dire, mais peut-être qu'il y a d'autres aspects de notre point de vue à nous qui nous font croire que ce qu'on observe est universel et la réalité, alors que c'est peut-être juste une vérité personnelle, une vérité mm-hmm. locale, une vérité subjective. C'est pas objectif, c'est subjectif. Mm. Après, il y a peut-être aussi un changement d'attitude à avoir comment je dirais, dans notre façon de nos priorités, nos façons de penser, par exemple, homme-femme, peut-être qu'ils ne pensent pas les mêmes choses non plus, et peut-être qu'ils n'abordent pas la science de la même façon non plus. Oui, absolument. L'exemple... Un changement de repère, finalement, un autre type de changement de repère. Un autre changement de repère, un autre changement de cadre de référence, un autre changement de point de vue. L'exemple qui me vient en tête, c'est la primatologie, l'étude des primates. Mm-hmm. Puisque dans les années 50 ou début des années 60, c'est presque 100% des primatologues étaient des hommes. Mm-hmm. Et ils étudiaient la vie sociale des primates. Et ce qui les intéressait, c'était la dominance, l'agression, l'organisation sociale des mâles. Ils ignoraient complètement les femelles. Ils croyaient que, oui, on n'y pensait même pas. Ouais. Et à partir du moment où des femmes commençaient à faire de la primatologie, des femmes célèbres comme Jane Goodall ou Diane Fossey Jeanne Altman, ces femmes se sont intéressées à d'autres aspects des comportements sociaux et de l'organisation sociale, particulièrement la contribution des femelles à l'organisation mm-hmm. sociale. Et là, tout d'un coup, on a découvert une toute autre perspective qui nous a montré que la vie sociale des primates était très différente de ce que les hommes avaient décrit. Les hommes essayaient d'être objectifs, ils essayaient de faire des études rigoureuses, scientifiques, sur le terrain ou en captivité, mais ils avaient un point de vue qui faisait qu'ils croyaient que l'organisation sociale était fondée sur... la dominance chez les mâles, par exemple. Alors qu'on découvre que c'est beaucoup plus complexe. Mais pour ça, il fallait changer de perspective. Mm. Maintenant que les femmes nous ont montré ça, un homme peut très bien étudier le comportement social des femelles chez les primates, mais jusque dans les années 60, c'est comme si ça n'existait pas. Ouais, c'est on ça. Le voyait pas. Mm. C'est intéressant parce que c'est vraiment différentes façons de changer de point de vue. Donc là, c'est vraiment bon, peut-être un changement de façon de penser homme-femme. Et puis aussi, ces autres exemples que vous nous avez dit en nous mettant dans un autre repère géométrique. Voilà. Donc en pensant symétrie radiale ou bilatérale, ou le haut, le bas. Donc c'est vraiment différentes pensées, différentes façons de changer de repère, de changer de paradigme pour voir au-delà de ce qu'on voit. Voilà, voilà. Mm. Et tous ces exemples nous montrent que ce qui est naturel, ce qui est spontané, c'est la subjectivité. Oui. C'est ce qu'on perçoit, c'est ce qu'on voit. On prend ça pour la réalité. Mm. Il faut se méfier beaucoup de ça. Mm. Et c'est là que la science devient utile, c'est de nous sortir de ces perceptions subjective, fausse, pour arriver à une connaissance qui est davantage mm-hmm. objective, qui littéralement étudie et décrit l'objet lui-même et non pas la perception qu'on a de l'objet. Mm-hmm. Mais est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on ne peut pas voir parce que notre cerveau n'est pas conçu pour les voir et qui nous empêcherait donc de remettre en question ce qu'on voit? Parce que, par exemple, pour les UV, on ne peut pas les voir. Alors, c'est difficile de se mettre, d'imaginer. On peut inventer des appareils, peut-être, pour les voir. Voilà, même un exemple comme celui-là, et comme les précédents, c'est des exemples relativement simples. Parce que là, on invente un appareil, un outil qui nous permet de détecter les rayons X, par exemple. Et là, on se rend compte que même si on ne les voit pas avec nos yeux, avec notre cerveau, ça existe pour vrai. Mais il y a d'autres réalités où là, on touche beaucoup plus à la possibilité que notre cerveau a des limites mm-hmm. qu'il ne pourrait peut-être pas franchir. Et là, on aime moins ce genre d'exemple-là. Alors, je commence par un exemple relativement simple. En mathématiques, on compte en base 10. Mm-hmm. Alors, on a 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 0, et on compte sur cette base-là. Est-ce que compter en base 10, c'est universel? Est-ce que ça fait partie de la nature? Est-ce que c'est inévitable qu'on compte en base 10, ou est-ce que c'est un accident de l'évolution? Mm-hmm. Une des hypothèses qu'on entend, qui n'a jamais été vérifiée et qui est peut-être impossible de vérifier, c'est que si on compte en base 10, c'est peut-être qu'on a 10 doigts, mm-hmm. 5 à chaque main. Et on a 10 doigts. La raison pour laquelle on a 10 doigts, c'est un accident évolutif. C'est que les amphibiens qui sont sortis de l'eau il y a 350 millions d'années, qui ont donné naissance éventuellement aux reptiles et aux mammifères, avaient 5 doigts à chaque main. Mm-hmm. Mm. Et à la même époque, existaient des amphibiens qui avaient 8 doigts. Ah. Si c'est eux qui avaient donné naissance aux mammifères et aux reptiles, peut-être qu'aujourd'hui, on aurait 8 doigts à chaque main. Donc, est-ce qu'on compterait en base 8 et en base 16? Mm-hmm. Et là, on trouverait ça naturel, normal, facile, évident. Puis on trouverait au contraire que compter en base 10, c'est très compliqué, c'est très difficile, c'est bizarre, ça vient de nulle part. On ne le sait pas. Mm. Donc, c'est un exemple où c'est très difficile de savoir si compter en base 10, qui nous paraît naturel, donc qui nous paraît une réalité qui existe partout. S'il y a des extraterrestres ailleurs, est-ce qu'ils comptent en base 10? Mm-hmm. J'en doute. Ou est-ce que c'est une invention? Mm-hmm. Est-ce que compter en base 10, autrement dit, c'est quelque chose qu'on a découvert dans la nature? ou c'est quelque chose qu'on a inventé? Est-ce que c'est objectif ou subjectif? Est-ce que c'est la réalité ou c'est une vérité personnelle, une vérité locale, une vérité humaine, tout simplement? La question se pose, puis je ne sais pas comment y répondre. Ben, moi, je n'aurais pas la réponse. Mais il y avait un autre exemple, pour aller plus loin, que vous m'aviez donné, c'était les trois dimensions. Oui, c'est encore plus ésotérique, disons. On vit dans un monde en trois dimensions. La sélection naturelle, la biologie, l'évolution nous a conçus dans un monde en trois dimensions. Mais est-ce que l'existence des trois dimensions, c'est universel? Ou si c'est local? Est-ce que c'est objectif? Est-ce que c'est une réalité partout? Ou est-ce que c'est parce qu'on a été construit d'une certaine façon qu'on voit le monde en trois dimensions, puis on n'arrive pas à imaginer un monde qui serait un film sur un écran en cinq dimensions. On ne sait pas ce que ça veut dire. Mais est-ce que c'est parce qu'il nous manque des capacités ou les outils? C'est peut-être que notre cerveau est à trois dimensions, notre anatomie est à trois dimensions, on est peut-être prisonnier de ce point de vue. Ici, on ne peut pas en sortir. On ne peut pas en sortir comme tantôt on sortait de la planète Terre pour voir sur la planète Mars et se rendre compte que les constellations étaient une illusion. Donc là, on est peut-être prisonnier de cette subjectivité. Oui, mais oui, allez-y. Non, ça va. Oui, mais c'est un petit peu finalement l'exercice que font peut-être qu'on fait en physique théorique. Pour aller essayer, parce qu'on nous parle de plusieurs d'autres dimensions aussi en physique théorique, de temps qui pourrait s'inverser, ou en tout cas il y a toutes sortes de théories assez bizarres. Est-ce que ce n'est pas l'exercice qu'il faut? C'est l'exercice, et puis je suis pas du tout connaissant de ce domaine pour dire, est-ce que quand on parle les physiciens parlent d'un monde à 11 dimensions, est-ce qu'on est capable de le concevoir seulement dans les équations mathématiques ou si ça correspond à quelque chose de réel? Je ne sais pas. Mais c'est sûr que c'est comme pour bien d'autres domaines, on a le sentiment de toucher aux limites des capacités de notre cerveau, puis qu'on ne pourra pas aller plus loin. Mais c'est peut-être pas vrai. Alors, un petit mot de conclusion? Un mot de conclusion, je dirais, c'est... on dit souvent des animaux qui sont exotiques, très différents de nous, comme une chauve-souris. On ne peut pas percevoir le monde comme une chauve-souris. Qui voit avec l'écho de ses sons, avec un sonore. Donc, on peut pas voir le monde comme une chauve-souris. On peut le voir comme un humain. Mais le monde qu'on voit comme un humain, est-ce que c'est le monde réel? Ou c'est un monde qu'on a construit à l'intérieur des limites de nos sens et de notre pensée. Ouais. Je ne connais pas de façon de sortir de répondre à cette question-là, puisque pour y répondre, on est obligé d'utiliser le cerveau qu'on a. Ouais. Mais déjà, c'est bien de se la poser, cette question-là. Oui, je pense que ça permet de mieux comprendre que la science est absolument indispensable pour sortir de la subjectivité et arriver à une connaissance qui est plus proche de la vérité, plus proche de la réalité. La réalité. Très bien. Ben, Cyril, une fois de plus, je crois que vous avez un peu ébranlé nos certitudes et insinué le doute. Et si je suis votre pensée, ben, je crois qu'il ne faut pas s'en inquiéter. Non. Au contraire, c'est sain. Oui, et puis le doute, c'est la meilleure façon d'avancer. Oui. Merci beaucoup, Cyril. Merci à vous. Donc, je rappelle, nous étions avec Cyril Barrette, professeur émérite au département de biologie de l'Université Laval.